pression à chaque seconde quand ton cœur bat. Je brûle le rap et balèque. De toute façon, j'ai déjà la gueule du coupable. Plié en quatre, on mettra plein de sang. Mon âme est de glace, je me suis fait seul et personne ne me donnera de mention honorable. Tu veux tester, mais t'es fou, des flots, j'en ai des centaines sous le coude. T'es pas prêt, ne viens pas imiter, c'est dangereux, tu pourrais te blesser, te noyer, gros, tu vois pas que t'as pas pied. J'peux être l'enfer en personne, j'suis en feu, j'ai tout mis dans ce projet, t'as pris ta baffe, ok. Imiter jamais, j'suis trop loin de vos esprits et de vos discours copier-coller. J'ai l'impression d'écouter la copie d'une copie d'une copie. Mais si la copine d'une copine d'une copine t'a validé, donc pour toi c'est ok. Ici ça charbonne du matin jusqu'au soir, du lundi au lundi, pas sous le soleil. Ici c'est Berk qu'on t'a dit. Tu veux tester, mais t'es fou, des flots, j'en ai des centaines sous le coude. T'es pas prêt, ne viens pas imiter, c'est dangereux, tu pourrais te blesser, te noyer, gros, tu vois pas que t'as pas pied. J'fume le rap comme ma clope électronique, pendant que leurs sons sont linéaires, on se croirait à l'époque de la tectonique. Qu'est-ce t'en dis, j'ai le démon, ma plume est dans les flammes, la lune est rouge, écarlate comme mes yeux, mon son ne marche pas sur des œufs. J'fais du rap jusqu'à pas d'heure, même mes ratures sont plus percutantes que leurs punch. Ils sont tous à poil en boule dans un coin, ils savent que j'suis de retour, c'est fini le carnaval. Yeah.